une histoire, une autre, où il se passe des choses bizarres dans nos écoles. Hey, le message. Bon, on n'est pas, pas à l'aise avec ça, ben. C'est pas le scandale du siècle, là, mais c'est-tu nécessaire de montrer à des enfants de 5-6 ans à se masser entre eux autres dans les écoles? Ils l'apprendront bien assez vite plus tard comment se masser entre eux autres. C'est-tu nécessaire de leur faire suivre des formations de massothérapie? Ça, c'est arrivé dans quelques écoles au Québec. Il y aurait 7000 enfants au Québec qui auraient suivi la formation par l'aile québécoise de MISA, Massage in Schools Association, c'est en anglais. Là, t'es en train de me dire que des jeunes qui n'ouvriront pas un journal dans leur salle de et classe... Et voilà, c'est ça mon point. Les jeunes qui ne décortiqueront pas ensemble un bulletin de nouvelles et voilà. D'actualité dans les écoles... Des jeunes qui ne feront pas de sport beaucoup cette semaine... Non. ...vont se masser. Les entre eux autres. Aussi, entre eux autres. Bon. Mon petit Denis, place-toi, puis tu vas masser le petit Jérôme. Moi, mais je veux pas masser le petit Jérôme. Non, tu vas masser le petit Jérôme. C'est ça, exactement. Bon. Et ça s'appelle l'expérience positive du toucher sain nourrissant. Comme, attends un peu. Ouais. Recommence ça. Ça s'appelle l'expérience positive du toucher sain nourrissant. Cette formation sur la massothérapie. Là, on parle d'enfants de 4 à 12 ans. Là. OK? Je comprends que des enfants, des fois, peuvent vivre certaines tensions, mais toi, à 5 ans, t'étais-tu stressé, toi? J'étais stressant. Ouais. Mais pas stressé. Non, hein, non, c'est ça mon point aussi. Je voulais surtout pas me faire taponner par un petit collègue ou une petite collègue de classe que j'aimais pas, là. On va le réinventer. C'est un peu le réinventer des problèmes. Hey, t'as besoin d'un massage, hein, toi, hein. T'es stressé un peu, hein. Ça te prendrait un massage, toi. Ça va te faire du bien. Ça m'énerve un peu, cette affaire-là aussi, tu sais. Hey, je me souviens, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais je me souviens d'un camp de vacances quand on était petit, on jouait au clin d'œil. Okay. Tu sais, les chaises étaient en rond, puis c'était les gars contre les filles souvent. Fait que les filles étaient assises sur les chaises, puis toi t'étais en arrière, puis tu jouais au clin d'œil. Il y avait une chaise de vide, fallait que le gars fasse un clin d'œil à la fille assise, puis que la fille s'en aille, puis toi fallait que t'essayes de la retenir par les épaules ou autrement, tu sais. Puis c'était un jeu où on s'excitait beaucoup, nous autres, hein, les jeunes gars, parce qu'on se ramassait à prendre une fille, des fois par la taille, des fois par les épaules, puis bref, c'est comme ça qu'on a appris à se masser entre nous autres dans les camps de vacances. T'as l'impression qu'à 12 ans, ça sera pas la même réaction. C'est parce qu'on n'avait pas besoin de cours pour apprendre à se toucher les uns les autres, pour se calmer les nerfs ou encore pour se les stimuler. Là, c'est d'inventer des problèmes, c'est de présumer que l'enfant est stressé aussi. Ça m'énerve. Sais-tu ce qu'ils disent aussi? Ils disent que le massage est une solution à l'intimidation dans les écoles. Faut-tu l'échapper pas à peu près? Massez-vous, ça va éliminer l'intimidation. Moi, je pense que ça peut plus l'augmenter. Mais en fait, exactement. D'après moi, c'est Mathias de Chambre-en-Ville qui est arrivé avec les histoires de massage. Là. Je sais pas. Ça fait Mathias de Chambre-en-Ville. Ça fait Mathias dans Chambre-en-Ville. Impliquer les petits gars là-dedans, là, ça commence à faire Mathias un peu, c'est bon. En fait, d'alimenter l'intimidation, à l'école, il y en a tout le temps un ou deux qui sont un peu plus dégueulasses. Ben là. Puis quand tu te ramassais à être en équipe avec eux autres, qu'est-ce qui se passait? Toi aussi, t'étais considéré comme dégueulasse. Moi, Joël Crotte-Denis, j'aurais pas voulu qui me donne un massage, là. Ouais. Ça m'aurait répugné, j'aurais peut-être une crise à ma mère. Je t'annonce qu'il y en aurait une couple qui aurait profité du temps de massage pour nous faire la prise de Monsieur Spock. Là, ils disent à matin que l'enfant n'est pas obligé de participer, mais je t'annonce que celui qui participe pas, ça se peut que la maîtresse d'école, ils disent, ben là, tu penses pas que ça serait une bonne idée, t'es un petit peu stressé, tu devrais peut-être participer. Regarde, je pense pas que ça parte de Mathias de Chambre-en-Ville, je pense que ça part encore une fois de professeurs qui prennent le stress, qui n'aiment plus les enfants et qui font de la projection. Ah, t'as raison. C'est ça l'affaire. C'est un peu ce que je disais, c'est que t'inventes un stress aux enfants. Des enfants de 5, 6, 7 ans, le stress de la vie, ils connaissent pas ça encore. Là. Dans la majorité des cas, je comprends qu'il y en a qui peuvent vivre des stress, là. Mais dans la majorité des cas, tu sais, t'as l'esprit léger, là, tu sais, quand t'as 6, 7 ans. Qui veut apprendre les notions du massage, là? Des enfants qui en ont rien à foutre, ben, un professeur qui a déjà deux tickets de burn-out à son actif. C'est la grosse prof en burn-out qui doit être contente de ça. C'est sûr qu'aussi, elle a pas besoin d'enseigner le français. Ben non. Hey, cette espèce de manque de volonté apprendre l'école puis la plonger dans la réalité et l'actualité. Moi, je ne comprends pas ça. Prendre des heures où on pourrait prendre un bulletin de nouvelles de Pierre Jobin à TVA, le regarder ensemble, puis après dur, ça, en discuter dans une classe. Prendre un journal, puis l'ouvrir, puis même à la limite, là, prendre une demi-heure de Radio X ou ce qu'on fait une nouvelle, puis dire que la moitié de ce qu'on dit, c'est de la grosse merde, puis en débattre ensemble en classe. Là, ça demande un effort intellectuel. Faut que tu te renouvelles quand tu fais ça. Là. On le fait! On donne à tout le monde, ça. On le fait! C'est pas nécessairement un effort intellectuel. Si nous autres, on est capable de le faire en onde à tous les jours, puis de gagner notre vie avec ça, c'est accessible à tous. OK? J'ai de la misère à comprendre, puis... C'est pas vrai là qu'on a trop d'heures à l'école puis qu'on est rendu à être obligé de faire du remplissage avec des cours de massage. On peut mieux utiliser ces heures-là. Parce que quand le français, quand l'enseignement du français puis des maths sera parfait, on pourra peut-être commencer à passer à des massages. Quand ils feront beaucoup de sport aussi. Ben c'est ça. Puis qu'ils seront dépensés comme faut là. Un cours d'école, ça défoule. Être relax aussi. On va te dire une affaire là, après 2-3 heures dehors là, t'es tranquille après là. Là, c'est quoi la suite? On va les apprendre, on va leur apprendre à pleurer? Et leur apprendre... Ouais, mais ça, c'est tout... Regarde, tu touches un autre excellent point. C'est que là, c'est tout dans la même veine de dire « Il faut que tu exprimes tes sentiments. » T'es stressé, hein? Exprime tes sentiments. T'es stressé, hein? Non, non, non, tu vis du stress, mais tu t'en rends pas compte. Parle-nous de ton stress. Et, livre-nous tes émotions, hein? Tu sais qu'un petit gars de 8 ans, là, ça n'a pas le goût nécessairement de livrer ses émotions. On n'aidera pas au décrochage beaucoup là avec ça. Là. Du niaisage. C'est pas le scandale du siècle. Là. Mais là, c'est combien de jeunes qui se sont massés entre eux autres? Au Québec, là, maintenant, on nous parle d'une école de Boucherville dans le Journal de Québec. Puis je sais que ça existe dans certaines écoles aussi de la région de Québec où c'est arrivé ça là. Des histoires de massage dans écoles. Là. C'est quoi la prochaine étape? Ah oui. C'est qu'on apprend, il y a un inventaire de 150 rires environ, mais à chaque semaine, on en crie de nouveau. Ça, c'est des adultes. On est particulièrement créateur au niveau des rires. Oui. On fait les lettres des voyelles, on fait d'abord le A. C'est pas long, on est en pleine conférence de presse. Quand t'es rendu là, pour avoir du fun dans ta vie, c'est que c'est triste, là. Ça va pas bien. Moi, en fin de semaine, c'est drôle, hein. Il faisait soleil, il faisait beau, un peu de hockey, un peu de dehors, mais surtout, pas besoin d'apprendre mes voyelles pour rire un peu. Mais non. Passe ma fin de semaine à rire. Non, mais faut-il se surprendre? Quand des adultes s'en vont dans des thérapies comme ça, ils en font la promotion, que ça se répercute dans nos écoles après. D'après toi, la prof là, qui a lancé l'initiative de massage, là, qu'est-ce qu'elle a fait ces fins de semaine dans sa vie malheureuse? Là? Ouais. Mais ça se peut qu'elle en suive des thérapies sur le rire, puis comment pleurer, puis comment se masser. Pis, l'obsession de la thérapie. Ouais. C'est prendre pour acquis que l'enfant a un problème et est stressé. Puis faut y faire sortir ça, même si lui s'en fout complètement, puis a la tête ailleurs. T'sais. Quel bon message d'Alain. Sur live. Qu'est-ce qu'il dit? Je vais vous donner de la natation aux enfants. Avant ça. Apprendre à nager, ben oui. Avec les histoires de noyade l'été qu'on entend. Pouvez-vous, tu sais, je suis pas contre le massage totalement. Mais il me semble que dans la liste des priorités, je sais pas, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Il me semble qu'il y a d'autres choses. J'aurais tellement voulu avoir le cours de massage quand j'étais jeune, puis j'aurais tellement voulu qu'on me matche avec la fille sur qui je tripais pour pouvoir masser les épaules. Pas des massages de fesses puis d'épaules, là. Je sais. Tu sais bien que j'aurais essayé d'en profiter un peu pareil. Ouais. Voyons peut-être, donc. Peut-être. Voyons, c'est Denis, tu sais. Hey, on jouait au clin d'œil dans le cas de vacances, puis on s'excitait avec ça. Mm-hmm. Tu sais, il y a rien que les hormones qui parlent, là. Il y a rien que la testostérone qui parle, là, à cet âge-là, là. Non, vous allez découvrir les notions du massage thérapeutique. Parce que là, la professeure est bien stressée, là. Puis avant de péter un burn-out, là. C'est ça. Faudrait qu'elle vous laisse vous détendre pendant une petite heure. C'est pour la déstresser, elle, qui font ça. Ben oui. Ou lui, dans certains cas aussi, là. Il est 9h01. Ridicule, mais ça montre que les orientations globales des écoles, des fois, là, ça laisse songeur. Hein?